qui paraissent ni qui veulent, qui sont bon capé pour qu'à avaler. Voilà, j'ai pris le contrôle de la caille, et pour prendre le contrôle de la caille, il fallait des coups, une équipe solide et les douilles. AP au poignet de mon père, on vit très bien de l'autre côté de la mer. A chaque crime, je me rapproche de l'enfer. 10 euros pour la canette de coca, les garons et les grandes manses. Résultat, il me reste 9986 euros dans la poche droite. A part ça, tout va bien, une entrecôte, un verre de vin. Et nique sa mère, la vie d'avant, je suis dans le cinquième, j'ai rendez-vous. Toi, tu vas pas nous le chiffre en gros, on n'est plus des types. Et si il pleut, on ouvrira le feu, tu sais qu'on parle peu. J'entends Eli, tu les tous, voilà il feel like tu peux le faire. J'ai promis que je reviendrai fortuné, et que c'est pas une schneck de la Tina. Tu pourrais me faire changer d'idée, démodé, je reviens côté comme Fila. Et j'ai rien vu d'affolant quand t'es venu, y'a rien qui fait plus mal que la Téveri. Moi je me fais rare, mais quand tu me verras, ça sera pas pour faire du bel ami. Ring ring, allo room service, bouge pas de là comme mes shooters vis. Tic tac, la montre ira jusqu'à minuit, tant que les clients sont pas servis. J'ai la veine au front, j'ai les balles à frais. T'as la boule au ventre, quand tout part au front. T'as la boule au ventre, les grosses batteries comme moi, t'inquiète, je les connais. Et je m'en vais boire un verre avec Vladimir, Poutine en Russie. Rien d'intéressant à gratter vers ici. Tout est noir comme Nicolas Son, c'est que je te raconte mes récits. Et y'a personne qu'on idolâtre, va le dire à l'autre, remonter les litres ou les redescendre. Je m'arrête à Roubaix, je m'arrête à Roubaix. Toi-même, tu sais ce que nos manigances. On a les armes, on a le beurre, et on surveille les rentées comme nos sœurs. On fait Jean Hardy, dis-moi de quoi t'as peur. Mon Renoir, dis-moi de quoi t'as peur. Électronique et le bracelet, donc le frère rentre à 18h. On récoltera ce qu'on a semé. Ça y est, j'ai une mauvaise humeur. On a les armes, on a le beurre, et on surveille les rentées comme nos sœurs. On fait Jean Hardy, dis-moi de quoi t'as peur. Mon Renoir, dis-moi de quoi t'as peur. Électronique et le bracelet, donc le frère rentre à 18h. On récoltera ce qu'on a semé. Ça y est, j'ai une mauvaise humeur.